Ta copine, on la connaît. Laisse-moi faire ma life. J'ai pas besoin qu'elle me... J'tourne en ville en location avec mes potes. On fait pas les macs, évite les putes, esquive les tacs. Travaille le mis qui nous traque. J'rappe le cerveau en vrac. Qu'est-ce qui t'arrive, tu regardes bizarre. Poto, on dirait que t'as pris du crack. T'es une victime, tu sers à rien. Après tu nous fais le mec qui craque. Crois pas que j'me la raconte. Cherche-moi, j'te casse la coque. Tu me testes pas, j'te casse ta coque. Y'a des potos qui changent, d'autres qui sont restés les mêmes. Là où j'traîne, tu connais, c'est wesh, ça va bien où c'est l'aime. Ta copine, on la connaît. J'ai pas besoin qu'elle m'aime. Tes potos, je les connais. Dis-leur qu'ils surfent pas trop quand même. J'ai pas changé jusqu'à maintenant. Tu veux me clasher, j'ai plus 15 ans. Prends soin à l'une au beau mètre. Parce que l'argent sale, ça dure qu'un temps. Laisse-moi faire ma life. J'suis ailleurs, tu dis que j'ai coulé. Ouais, moi j'suis la night. J'ai grandi l'eau sous les bras à couler. J'te dis les choses en face, t'as l'air étonné. Il t'a sorti de la mer, toi tu l'as donné. Tu vas pas me la faire à moi. On se connaît, c'est plus toi qui fais l'homme, c'est ce que t'as dans ton nez. Perso, j'suis personne. J'roule pas en R6. J'dirai le nom de personne. J'vois pas pourquoi tu persistes. J'peux rapper terre-terre et en même temps me faire bouger. C'est normal, c'est nouveau, c'est frais. Le game est couché. Faut se tailler si ton pote passe à table. Les chemises passent à balle, ça les calcule pas sa cap. A 4 sur un scoot, les journalistes veulent un scoop. Ils veulent me descendre et ouais, j'suis cramé vu ma coupe. A ce qui paraît tu kiffes, et quand tu me vois tu m'ignores. On m'a dit c'est des gens comme toi, qui veulent pas que tu fasses le million. Laisse-moi faire ma life. J'suis ailleurs qui dit que j'ai coulé, ouais moi j'vis la night. J'ai grandi l'eau sous les poings à couler. J'te dis les choses en face, t'as l'air étonné. Il t'a sorti ta mère, toi tu l'as donné. Tu vas pas me la faire à moi. On se connaît, c'est plus toi qui fais l'homme, c'est ce que t'as dans ton nez. On cherche tous des femmes fraîches, gros cul et gros tété. Faire un petit coup pépère et se peut fait pour tout l'été. Quand j'étais en galère, dis-moi où t'étais. Quand j'sonnais avec mes fils, toi chercher une villa où péter. Fais pas le con petit, mais que ça chauffe, ça t'engraine. Y'en a qui aiment te voir en guerre avec les gens que t'aimes. Laisse-moi faire ma life. J'suis ailleurs qui dit que j'ai coulé. Ouais, moi j'vis la night. J'ai grandi l'eau sous les poings coulés. J'te dis les choses en face, t'as l'air étonné. Il t'a sorti de la mer, toi tu l'as donné. Tu vas pas me la faire à moi. On se connaît, c'est plus toi qui fais l'homme, c'est ce que t'as dans ton nez. Laisse-moi faire ma life. J'suis ailleurs qui dit que j'ai coulé. Ouais, moi j'vis la night.